En faux, j'fais le showcase, ah. J'arrive pas en féfé, ah. Je souris même blessé, ah. Je fais pas les kéké, ah. Moula dans le top case, ah. J'tourne solo brisé, ah. Je touche pas la CC, ah. J'confie à bébé, ah. M'oublie pas, bébé, dès que t'es ma belle, et tout ce qu'ils m'ont fait, fait. Moi, j'me rappelle, laissez-moi celle. Oui, tout va bien, et le caresser, les qui me portent, là, il est fort. Rien ne sort, j'suis une tombe, j'sais ce qui parle à peu près. J'entends l'hélicoptère quand je mange le repas. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Faut que j'appelle l'avocat, ça me parle de procès. Et puis moi, je dors pas. J'y vais à l'école, n'écoute pas les grands qui te chauffent. Tu check tes colles. Quand t'as fait le pain, t'as fait croquer. Me prends pas pour idole. J'ai mes qualités, mes défauts. Y'a beaucoup de folles, mais aussi y'a beaucoup de faux. J'ai fumé du bédou, j'suis moins susceptible. Arrête me faire donc tu sais d'où. En fait, tu sais qui. Qui quitte, j'avoue, la fleur va faner. À un moment donné, faut faire les sous. Et faut guetter. Parapapa boubou, parapapa boubou. Parapapa boubou, parapapa boubou. Parapapa boubou. Et ne va pas boubou. Et ne n'a pas boubou. Mana doudou. Me vois Rio, Rio, Rio. Déguster, prends et Beyoncé. Avec amour et mio. Danser, boire et m'ambiancer. Faut pas déconner, les vicieux on connaît. Mais faut pas s'affoler, si t'es téléphoné. Faut pas déconner, à un moment donné, je vais m'envoler. Je te connais pas, tu me flèches. Pourtant tu es sérieux à ton âge. Ils aimeraient créer la brèche. Je les laisserai jamais faire ça. J'y vais à l'école, n'écoute pas les grands qui te chauffent. Tu check tes colles. Quand t'as fait le pain, t'as fait croquer. Me prends pas pour idole. J'ai mes qualités, mes défauts. Y'a beaucoup de folles, mais aussi y'a beaucoup de faux. J'ai fumé du bédou, j'suis moins susceptible.